Hier, on a parlé avec Raphaël Harvey Pinard qui a signé une entente avec les Rockets de Laval. Là, on va parler avec son grand chum, Félix Bibeau, qui lui a signé un contrat avec les Islanders de New York et qui a un peu le même genre d'entrevue qu'on a fait avec Raphaël hier. Bonjour, Félix. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Félix, d'abord, félicitations avec ton entente avec les Islanders de New York. C'est une belle honneur pour toi. Signer son premier contrat professionnel, j'imagine que c'est quelque chose de vraiment le fun, non? Ça doit être un bon feeling pareil, là. Ouais, vraiment, là, écoute, ça fait un petit bout que j'attendais ça, là, compte tenu que on pouvait plus jouer au hockey, là, fait qu'il n'y avait plus vraiment grand-chose dans mon contrôle. Fait que le fait de pouvoir signer ça, c'est sûr que c'est un. Tu sais, je suis vraiment content, c'est une bonne nouvelle, puis je suis très fier de ça. Est-ce que tu avais des inquiétudes pareilles? Parce qu'il y avait des joueurs qui, tu sais, veulent pas. On a vu Samuel Houde qui, lui, elle n'aura pas de contrat. Donc, toi, donc j'imagine que si tu signais pas de contrat, tu tombais joueur autonome, c'est ça? Donc, C'est ça. Là, c'est sûr est-ce qu'on a des que. inquiétudes quand que. Ben, un petit peu comme que je t'ai dit, tu sais. En plus, je pouvais pas contrôler rien, tu sais. Je pouvais plus jouer, je pouvais plus performer. Fait que c'était vraiment juste d'attendre. Puis, c'est ce que les Islanders m'avaient dit. Puis, finalement, avec les semaines, ça a découlé. Puis, c'est sûr que ça prend un petit peu de temps. Mais écoute, j'étais confiant quand même. Puis, ça s'est bien passé. Puis, ça s'est réglé. Ok. Je suis bien content. Est-ce que bon, l'objectif de c'est la Ligue un peu comme Raphaël, c'est la Ligue américaine? Ouais, exactement. Même chose que Raphaël, là. Dans le fond, j'ai signé le même genre de contrat que lui, sauf que moi, c'est d'une durée de 2 ans. Fait que on a probablement on a le même objectif, puis c'est juste dans 2 organisations différentes, là, mais ouais, on a vraiment le même objectif, là, ouais. Ok. Est-ce que c'est quand même du côté des Islanders, est-ce que du côté du développement, est-ce qu'on a vraiment un bon suivi du développement? Ouais, ben dans le fond, moi, toute l'année, j'ai été suivi par le directeur du recrutement qui s'appelle Eric Kearns. OK. Lui, il est venu me voir jouer autant à Québec qu'à Chicoutimi. J'ai quand même allé manger avec lui. Dans le fond, fait qu'on communiquait ensemble vraiment à chaque peut-être 2 semaines, je te dirais. Puis il m'a suivi de proche, donnait des conseils. Donc ça s'est super bien passé de ce côté-là. Fait que c'est sûr que j'ai eu un très bon suivi avec eux. Puis ils m'ont gardé informé tout au long de la saison par rapport au développement des, tu sais, peut-être des contrats, tout ça. Fait que j'ai toujours eu comme du feedback de leur part, fait que ça, c'est vraiment cool. Ben c'est le fun, au moins on se sent appuyé puis on se sent dans l'organisation. C'est que Ouais, je me c'est ça, rappelle exactement. Samuel Houde, on avait fait une entrevue avec, puis il n'y avait pas vraiment de contact avec les Canadiens. Fait qu'au moins tu te sens que tu es dans les plans, là, à Ouais, c'est quelque ça, part. exactement. Là, c'est sûr que ça l'aide, c'est bon pour la morale. OK. Qu'est-ce que tu as amélioré pour atteindre la Ligue américaine selon toi, là? Ah, ben, c'est sûr qu'il faut que je devienne plus rapide sur courte distance, là, donc mon explosion, là, mes départs. Je travaille fort là-dessus, c'est sûr. Dans mon entraînement, c'est pas mal basé là-dessus. Puis, c'est juste de garder confiance, puis travailler fort, puis je suis sûr que je vais améliorer ça. Ok. Sachant qu'on s'est néant pas mal, comment qu'on fait pour la motivation du côté d'un joueur pour garder sa motivation pour la prochaine année? Ouais, ben moi, je suis vraiment chanceux, là. Je suis suivi depuis ma 6e année avec mon entraîneur Francis Touchette, qui est le nouveau préparateur physique des Olympiques de Gatineau. Ok. Il habite proche de chez moi, fait qu'on se réunit à l'extérieur. Moi, j'habite vraiment en campagne, donc c'est comme des champs et tout ça, puis on se rejoint à l'extérieur. Puis là, avec moi, tu sais, à distance, là, à 2 mètres, puis il me motive, puis il est là avec moi. Fait que c'est sûr que ça m'aide beaucoup d'avoir quelqu'un de concret qui est là devant toi. Là. Fait que on fait des entraînements à l'extérieur avec qu'est-ce qu'on peut, là, des bûches, des roches, Ouais. comme comme dans l'ancien temps, là, des sprints. On va dans des côtes courir. Fait que, écoute, à date, ça va vraiment bien, je suis très content. Puis ma motivation est bonne, là, surtout depuis que j'ai signé le contrat, c'est sûr que ça m'a aidé encore plus. Ok. Dis-moi, si on parlait un peu de ta saison avec les Saguenayens, comment tu as trouvé l'expérience avec les Sags? Ça devait être décevant en même temps, là, parce comme Raphaël hier, on visait vraiment puis toi, tu avais été acquis justement pour amener du leadership, amener vraiment de l'expérience, que la fin de la saison doit être frustrante pareil, hein? Ouais, c'est sûr, c'est plate, je suis déçu, tu sais, comme tout le monde, mais j'ai vraiment trippé là-bas, honnêtement, là, j'ai vraiment eu du fun. Il y en avait vraiment une belle gang de gars. J'ai vraiment vécu des bons moments. J'ai habité chez Raph, chez ses parents, avec lui. Fait que j'ai vraiment passé du bon temps là-bas. Puis c'est sûr que cet été, j'aimerais ça retourner faire un tour là, quand ça va être possible. Puis j'ai vraiment aimé ça, c'est sûr. Okay. Ton meilleur souvenir avec dans la Ligue junior du Québec, c'est comme Ralph, j'imagine, la Coupe Memorial. Ouais, évidemment, là, c'est sûr que c'est dur à battre comme souvenir, là, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui a la chance de gagner ça, puis on a réussi l'année passée, fait que c'est sûr que ça, c'est mon plus beau souvenir, mais tu sais, dans mes 4 saisons, tu sais, juste les chums que je me suis fait, tu sais, j'ai rencontré du monde incroyable, puis j'ai vécu, j'ai des souvenirs, des histoires à raconter, j'en ai pour des journées, tu sais, fait que c'est vraiment des belles expériences que j'ai vécues, puis vraiment, joyeux d'avoir vécu ça. Puis je souhaite à tout le monde, c'est Au certain. départ, tu sais, je veux dire ce qu'on dit là, c'est pas la carrière, c'est la carrière comme telle d'hockeyeur, c'est sûr qu'on vise toute la Ligue nationale, mais au départ, c'est d'être des bons individus, puis c'est ça qu'on vous apprend, hein. Ouais, exactement, là, c'est ça. Puis, tu sais, j'étais élevé dans une bonne organisation à Rwanda, tu sais, qui nous ont bien appris ça. Puis, tu sais, j'ai amené ça avec mes organisations par après, mais comme je dis, j'ai vraiment été privilégié. Puis, c'est pas tout le monde qui a de la chance d'être dans des bonnes organisations comme ça, d'avoir un beau parcours comme ça. Fait que ça a été une expérience vraiment gratifiante. Puis c'est sûr que je suis vraiment reconnaissant là-dessus. OK. Ben, Félix, on va se parler l'an prochain avec. On va se parler l'an prochain où est-ce que tu es rendu, que tu sois dans la Ligue américaine ou la East Coast. Bonne chance et félicitations avec ton entente avec les Islanders de New York. Puis bon golf demain. Bon, maintenant, c'est la question. Merci beaucoup, puis Voilà. à la prochaine. Félix Bibeau de l'organisation des Islanders de New York.